Revenons à son portrait physique. Il n'est pas très grand. Il est mince, mais solide. Il a les épaules assez larges et plutôt carrées. Il a le menton carré. Est-ce qu'il va être blond, roux, châtain ou brun ? Blond. Ah, c'est dommage, madame. Je crois que Robert va être brun. Il a les cheveux noirs. Moi, je préfère les cheveux blancs ou gris. C'est plus sérieux, plus distingué. Oui, c'est vrai. Mais Robert est un jeune homme. Il a les cheveux noirs et les sourcils... Blonds. Des sourcils blonds avec des cheveux noirs. Mais non, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Avec des cheveux noirs, il faut des sourcils noirs. Dommage. Il a les épaules assez larges. Il a les épaules assez larges. Il a les épaules assez larges et carrées, plutôt carrées. Il a le menton carré. Il a le menton carré. Et maintenant, est-ce qu'il va être blond, roux, châtain ou brun ? Est-ce qu'il va être blond, blond, roux, roux, châtain, châtain ou brun, brun ? Je crois que Robert va être brun. Il va être brun. Il va être brun. Il a les cheveux noirs. Les cheveux noirs. Il a les cheveux noirs. Est-ce qu'il est blond, châtain ou roux ? Il n'est pas blond, il n'est pas châtain et il n'est pas roux non plus. Il est brun. Il a les cheveux noirs. Oui, mais c'est comme ça. Robert va avoir les sourcils noirs et épais. Enfin, assez épais. Mais est-ce qu'il va avoir une moustache ? Vous préférez Robert avec ou sans moustache ? Sans ? Très bien. C'est entendu, Robert ne va pas avoir de moustache. Est-ce qu'il va avoir une barbe ? Qu'est-ce que vous préférez ? Avec ou sans ? Alors, qu'est-ce que vous décidez ? Une barbe ou pas de barbe ? Pas de barbe. Robert va avoir les sourcils noirs et épais. Les sourcils. Il va avoir les sourcils noirs. Il va avoir les sourcils noirs et épais. Noirs et épais. Est-ce qu'il a les sourcils blonds ? Non, il a les sourcils noirs. Vous préférez Robert avec ou sans moustache ? Vous préférez avec ou sans moustache ? Avec ou sans moustache ? Avec ou sans moustache ? Vous préférez avec ou sans moustache ? Sans ? Très bien. Très bien. C'est entendu. Robert ne va pas avoir de moustache. Il ne va pas avoir de moustache. Est-ce qu'il a une moustache ? Non. Il n'a pas de moustache. Robert ne va pas avoir de barbe. Il ne va pas avoir de barbe. Pas de barbe. Pas de barbe. Il ne va pas avoir de barbe. Est-ce qu'il a une barbe? Non, il n'a pas de barbe. Bon, Robert ne va pas avoir de barbe. Et les yeux? Est-ce qu'il va avoir les yeux bleus? Non? Noirs? Pas vraiment. Il va avoir les yeux marrons. Alors voilà. Robert n'a pas de ventre, pas de barbe, pas de moustache, pas de cheveux blancs, mais il a les épaules larges, les cheveux noirs, les sourcils noirs, les yeux marrons. Voilà pour le physique. Il va avoir les yeux marrons. Il va avoir les yeux marrons. Il va avoir les yeux marrons. Est-ce qu'il a les yeux bleus ou noirs? Non, il n'a pas les yeux bleus et il n'a pas les yeux noirs non plus. Il a les yeux marrons.